parle une seconde langue et la parler souvent est un bon outil afin d'isométrer son cerveau. Isométriser? Oui. Non. Apprendre une autre langue et la parler souvent est une bonne façon de développer un autre ajusteur de pensée, puisque l'être humain n'a pas nécessairement un seul canal. Et cela permet à des humains d'avoir d'autres mots qui n'existent pas dans leur langue pour pouvoir exprimer de l'intelligence. On devrait tous pouvoir parler minimum 3 langues, et plus on en a, mieux c'est. Mais à la condition que les langues que l'on parle soient parlées convenablement. Ceux qui parlent du franglais, ceux qui parlent de l'agnol, ce n'est pas bien parlé. Quelle que soit la langue, on doit la parler dans sa langue. Dans la langue que l'on parle, et c'est extrêmement intéressant pour développer des nouvelles expressions de l'intelligence. Ça permet de comprendre la manipulation de d'autres secteurs d'humains, et c'est bien. Les langues les plus intéressantes à apprendre sont évidemment le français, l'anglais, l'espagnol, après ça, possiblement le russe. Mais pourquoi ces langues-là? Mais le français, parce que c'est la langue que l'on parle, l'anglais, parce que c'est la langue des affaires, l'espagnol, parce que c'est la langue de l'ésotérisme, et le russe, parce que c'est la langue des ennemis, diraient certains. Ou des futurs conquis. Des futurs conquérants. Mais je te dirais ça, le russe. L'espagnol... Le français, c'est la langue de supramentalisation. Mais l'espagnol, ça a un lien direct avec la naissance de l'ésotérisme? Non, l'ésotérisme se communique, ainsi que la parapsychologie, se communique beaucoup plus facilement en espagnol. Et les affaires se communiquent beaucoup plus facilement en anglais. Et au niveau supramentalisation, ça se communique beaucoup mieux en québécois. Tout ça à cause de l'énergie ou l'onde de forme des mots. Oui, à cause de l'onde de forme des mots et à cause de la façon dont sont structurées les phrases. En anglais, on ne place pas, par exemple, les adjectifs à la même place qu'on le fait en français. En espagnol, il y a aussi différentes nuances et au niveau de la consonance des mots, c'est différent. Alors, si on regarde le siège central sur la planète, par exemple, des études en parapsychologie, là où il y a même des universités, on a le Costa Rica, on a Mexico, on a Madrid, on a différentes parties, places sur la planète où ça parle espagnol, où on va développer énormément la mécanique parapsychologique au niveau scientifique ainsi que la mécanique ésotérique. Si on prend des livres de parapsychologie ou d'ésotérique, c'est qu'on regarde des biographies. Les bibliographies, à la fin, on peut se rendre compte que la grande majorité des livres sont des livres espagnols. L'espagnol est la langue de la parapsychologie. Maintenant, il y a un autre avantage aussi, c'est que si l'humain a à se promener le moindrement, l'espagnol est l'une des langues que l'on retrouve le plus sur la planète Terre. C'est le français qui est parlé le plus en termes de superficie ou d'étendue. En deuxième vient l'anglais, en troisième vient l'espagnol. C'est-à-dire, tu disais dans la première partie précédente que le grand monarque ou les monarques vont s'entendre sur une seule langue. Le Dixitera. Le quoi? Ah bon? C'est le Dixitera. C'est quoi ça? C'est le langage planétaire. Ça ressemble au français? Non. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble au Dixitera. Mais si... Diction veut dire langage, terra veut dire terre. Ce terme, c'est Dixitera, c'est en deux mots, en deux langues différentes. Alors, c'est un langage qui sera... apte à permettre l'expression de l'aristocratie, l'expression de la philosophie, l'expression de la médecine, l'expression des affaires, l'expression de l'intelligence. Plus que le français. Oui, parce que le français, c'est une langue intéressante, mais qui a quand même ses limites. Puis est-ce que cette langue-là va avoir ses limites? Oui, mais des limites qui ne seront pas connues sur la planète. Bon. Parce que plus loin, on va parler encore. Non. Ça sera l'une des limites de cette langue. Elle ne sera pas instantanée. Elle nécessitera de l'air entre les communicateurs. L'Europe des 12 sera-t-elle le prochain leader des forces capitalo-chrétiennes mondiales? Bref, supplantera-t-elle les États-Unis d'Amérique? Non, ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, des psychologies pour le faire. Et le temps va leur manquer. Mais quel genre de psychologie ça prendrait pour supplanter? Une psychologie qui cesse de se chicaner. Entre eux? Ben, entre eux. C'est sûr que tu chicanes toujours entre eux. Non, je sais pas. Vois-tu? Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Quand on vend un produit aux États-Unis, La publicité que l'on va faire avec le produit américain est une publicité qui est facilement passable au Canada. Si on traduit la publicité en français, toujours avec la même idée américaine, cette publicité-là, on peut aussi la vendre au Japon, on peut la vendre en France, on peut la vendre en Italie. Si on annonce le produit Coke, Coca-Cola, par exemple, on peut le vendre à bien des places. Alors que la majorité des produits qui viennent même de l'Europe ou des produits qui viennent de d'autres nationalités, à part le contexte américain, quoique le contexte américain a de la difficulté à pénétrer l'Europe sur certains points, la problématique, c'est que certains pays vont accepter un produit à cause de l'emballage. D'autres pays vont accepter le même produit, mais uniquement s'il est économique. D'autres pays vont accepter le même produit uniquement s'il est efficace. En Italie, on ne veut pas savoir si l'automobile est résistante, on veut savoir à quelle vitesse elle roule. Alors que dans d'autres pays, en France, on va poser d'autres critères. Ce qui fait que même si on parle d'une seule nation économique pour l'Europe dans les années à venir, il restera toujours une problématique évidente, c'est que les mentalités, parce qu'il y a des langues différentes, et parce qu'il y a des telluries différentes, et parce qu'il y a des expériences grégoriennes différentes, les mentalités de chacune des nations vont nécessairement éliminer, c'est-à-dire bloquer énormément l'évolution, l'expansion de nouvelles nations à travers une fusion des frontières. Ça va se faire progressivement, mais les Américains sont extrêmement en avance. Les Américains peuvent vendre tout ce qu'ils veulent à peu près dans n'importe quel pays où ils sont installés, ça passe. Parce que c'est à cause de leur capacité de pouvoir s'adapter. Parce qu'ils sont plus internationaux. Parce qu'ils sont constitués de plusieurs peuples. Parce que leur mentalité est totalement différente. C'est une mentalité qui est beaucoup plus planétaire. C'est une mentalité qui est capable de s'ingérer, mais de comprendre aussi les problèmes de d'autres pays. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions dans tout, et des Américains qui comprennent rien. Mais on parle de la nation américaine. Alors si on compare ça à la nation européenne, on est loin de là, parce que la nation européenne, elle est totalement hétérogène. Le gène est le véhicule de l'intelligence. Est-il possible de muter en inoculant de l'ADN d'une personne aristocratique à une autre? Par exemple, on a muté un rat en lui inoculant l'ADN d'un autre et le rat a muté de son vivant. Bon, ça peut se faire. La seule chose qu'il y a, c'est que la chaîne ADNique de l'humain est beaucoup plus complexe que celle d'un rat. Il n'y a pas grande différence. Grosso modo, comme l'être humain et l'homme, ce qui différencie l'homme du point de vue de l'ADN des singes, c'est à peine une trentaine de gènes. Alors, c'est évident qu'il n'y a pas grand facteur, sauf qu'un gène est constitué d'énormes quantités de molécules, et c'est cela qui doit être pris en considération. Étant donné que le corps physique de l'homme est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, il aurait besoin d'une dose massive de transmission génétique. Et la majorité de cette transmission serait rejetée, c'est-à-dire que l'être humain est un être évolutif qui a un corps physique et un corps astral extrêmement conservateur et qui fera tout pour rejeter l'agression d'une autre conscience par le biais d'une structure endoformique physique, les gènes. Alors finalement, ça peut se faire, mais ça ne donnera pas de résultats extraordinairement parfaits. C'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus intelligent de faire le même travail, mais par imprégnation. Alors, la meilleure chose à faire, c'est que si tu côtoies des aristocrates, par imprégnation, tu vas devenir aristocrate. Mais si tu côtoies des imbéciles, par imprégnation, si c'est ton cas, j'espère que les imbéciles vont devenir un peu plus intelligents. L'imprégnation, c'est ce qui va compenser la science. Mais dans le cas où, par imprégnation, il faut être sous la tutelle de l'aristocrate? Non, par imprégnation, tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut simplement se servir de l'atmosphère d'un individu pour aller chercher ce qu'on a besoin. L'individu, et vous avez souvent ce maudit problème, et c'est normal au niveau de l'évolution, toujours la peur d'être assujetti, la peur d'être dominé. L'être humain n'est pas dominé à l'instant où l'être humain rencontre quelque chose d'égal ou de supérieur à lui. Êtes-vous dominé par votre alimentation? Non. Pogné avec, oui, mais quand vous mangez du bœuf, le bœuf n'est pas le maître de l'humain. Quand on va voir un film pour se distraire, on va voir un film pour se distraire, mais est-ce qu'on est encore l'esclave de? Ça dépend, mais pas nécessairement. Alors, si on rentre dans l'atmosphère d'un individu, je parle de son atmosphère vitale, évidemment, si on rentre dans l'atmosphère d'un individu, on n'est pas assujetti, ou on n'est pas sous la tutelle, on n'est pas sous la protection ou sous le joug de l'individu. Mais il faudra que ce soit en accord avec l'aristocrate en question? Absolument pas. Mais si. C'est parce que si, par exemple, je veux imprégner un enfant, oui, pour en faire un enfant, entre guillemets, nouveau. Il y a un instant. Si l'enfant veut s'imprégner de toi, il n'y a pas besoin de te demander l'autorisation. Puis si tu veux imprégner l'enfant, est-ce qu'il faut que tu demandes l'autorisation? Absolument pas. Fait que ça se fait des deux côtés. Ben voyons donc. Tu vas aller voir un enfant pour lui dire, bon, ben, je suis parfait, je veux m'imprégner chez toi. Non, je pensais qu'une condition, c'était que celui qui veut devenir ne sache pas. Ben, c'est pas compliqué. S'il y en a assez, tu peux t'imprégner chez un enfant. Si ça a à se faire, l'enfant va nécessairement goûter, apprécier ton imprégnation. On va dire ton contact. Et il va nécessairement se promener autour de ton atmosphère, il va te rechercher. Et il va aimer discuter avec toi. Pourquoi? Parce que ce que tu imprègnes chez lui, donc ta réincarnation chez lui, l'expérience de ta présence, de ton évolution chez lui, est totalement en affinité avec ce qu'il est. C'est mécaniquement essentiel que lui te touche. Et c'est mécaniquement essentiel que tu t'imprègnes chez lui. Tu ne perds rien, mais tu gagnes énormément ainsi que lui. Comment? On gagne quoi? Ben, tu gagnes simplement que tu garantis ta réincarnation. En plus, tu convaincs, tu es en train de transformer l'extérieur pour que ça soit plus en vibration avec toi. Surtout que l'imprégnation se fait surtout lorsqu'un être humain est intelligent. Il y a une intelligence supramentale, bien qu'elle se fasse autrement. Un être humain totalement astralisé peut imprégner autrui. Mais normalement, il faut que ce soit une force très luciférienne ou de l'intelligence supramentale qui communique à travers un individu pour qu'une imprégnation soit convenable. Lorsque vous allez commencer à rayonner, vous allez commencer à imprégner. Est-ce que je peux, du moment où mon corps vit, avec l'accord d'une autre personne, que je crois que cette personne-là va vivre plus longtemps que moi? Absolument. Prendre, faire un pacte avec elle, sans que ce soit un pacte, lui demander l'autorisation de me réincarner avec elle pour que ce soit, ça l'active, processus. Tu ne demandes pas l'autorisation, tu t'imprègnes. Si elle a resté avec toi et si ça va bien ensemble, nécessairement elle aura accepté. Possiblement que si tu te poses la question d'une façon lucide, son ego va dire non. L'ego ne pèse pas l'envergure de la chose. Il y a même des individus qui ont la faculté de se réincarner totalement dans une autre personne, plus jeune, et qui vont conserver une incarnation temporaire pendant quelques mois ou quelques semaines ou quelques années, jusqu'à temps qu'un enfant quelque part naisse qui puisse le recevoir, ou jusqu'à temps qu'un autre individu ait une génétique suffisamment convenable, génétique que l'autre peut posséder. Ou encore, il y aura fusion entre les deux personnes, c'est-à-dire entre celui qui est décédé et qui s'incarne à l'intérieur de celui qui le reçoit. Il peut y avoir une fusion entre les deux. Mais c'est pas nécessaire que cette... qu'il y a une relation d'amitié ou interpersonnelle connue entre ces deux personnes-là. Pour l'imprégnation, non. Pour l'incarnation temporaire, c'est habituellement préférable parce que les barrières sont surtout des barrières astrales. Alors, si émotivement les deux sont reliés ensemble, ça facilite énormément le transport. Est-ce que je peux, doutant du double éthérique, pas doutant de l'existence du phénomène, mais doutant de la capacité... De son envergure? Oui, ou de la capacité d'en former un et de l'unifier. OK. Doutant que tu as un double éthérique? Oui, c'est ça. Est-ce que je peux, mais en attendant, je vais aller rester chez une autre personne pour ne pas visiter le monde de la mort? Absolument. Tant que tu doutes, c'est que tu n'en as pas même assez constitué. Mais comment? Oui. J'ai déjà expliqué dans le séminaire. Ce que je veux dire, comment? Là, ça se peut, là. Comment puis-je faire par la suite pour naître ou me transporter dans un autre corps? Premièrement, tu dois mettre au monde des enfants. Ça sera obligatoire? Non. Mais premièrement, c'est ce que tu devras faire. Si tu ne mets pas d'enfant au monde, tu devras imprégner ta conscience. De ta conscience, tu devras imprégner des enfants. Autrement dit, tu devras éduquer. Mais éduquer, c'est peut-être le motif qui va permettre ta présence auprès d'un enfant. Mais tu dois imprégner. En imprégnant, nécessairement, tu transformes l'enfant et tu crées une relation énergético-émotive, mais beaucoup plus énergétique, qui va faire en sorte que si tu as décédé sans avoir eu d'enfant, la majorité de tout ce qui est en vibration avec le jeune va s'incarner immédiatement dans le jeune. Dépendant de l'information qu'aura ton ego de la mort, tu seras capable de préserver ta conscience lucide chez le jeune le temps que ce sera nécessaire. Possiblement qu'une fois chez lui, tu accepteras de te fusionner à lui. Sinon, à un moment donné, il y aura un corps physique qui pourra te récupérer et il faudra que ce soit quelque chose, un corps physique qui est proche du contact du jeune pour que tu puisses te transfuser dedans. Mais la meilleure chose à faire, c'est de s'en égoïser. Fait qu'on évite toutes ces étapes. Ben ouais, s'en égoïser, tu crées un double éthérique. Comment le vérifier, le double? Ben c'est simple que quand tu vas mourir, tu vas pouvoir tout vérifier. Pourquoi vérifier ton double? Sécuriser l'ego. Ah oui, mais l'ego va se dire, bon, il est assez constitué, fait que maintenant qu'il mange la marde, je peux rester comme je suis. Oui. Mais tu peux pas vérifier ton double. L'être humain ne saura jamais s'il est dans le bon chemin, il ne saura jamais s'il a un double suffisamment constitué, tant qu'il n'aura pas commencé sa fusion avec le double. Quand les individus posent encore des questions, oui, mais il n'y a rien qui me dit que c'est vrai. Bien, vous êtes tous des mangeurs de chocolat. Parce que vous avez la preuve sur votre nez régulièrement que tout est vrai. Sauf que la preuve que vous avez, c'est la preuve que ce qui est problématique est vrai. Vous avez quand même des prémices et des preuves de ce qui est correct comme étant vrai. Mais l'humain se dit toujours, oui, mais j'ai pas de preuve que c'est vrai. Alors que si je discute un peu avec lui, puis qu'on regarde un petit peu sa vie, on se rend compte que finalement, tout ce qu'il sait sur l'astral, tout ce qu'il sait sur la mécanique, tout ce qu'il sait sur la manipulation, tout ce qu'il sait sur la théologie, tout ce qu'il sait sur ce qui, sur les lois de l'ego et des dieux, besoin de se nourrir, puis besoin de s'alimenter, besoin de s'exprimer, tout ce qu'il sait finalement de tout ce qu'il sait est quotidiennement vérifiable au-delà de tout ce qui a été dit dans le passé. Si, et je le dis souvent, si vous êtes capable de constater qu'effectivement il y a un charriage puis une omnibulation de l'astral dans la conscience d'un individu, si vous êtes capable de constater qu'à travers tout ce qui a été dit, on en arrive à dire que le mental est une entité dans l'humain et l'astral est une autre entité, que les deux cohabitent dans le même corps, que le mental doit être le maître-contrôleur, que l'astral est présentement le contrôleur du système endocrinien qui s'exprime dans votre corps physique, quand on en arrive à dire « je veux pas boire » puis pourtant tu bois pareil, tout est prouvé. Si tout ça est vrai, et ce l'est, et c'est facile de le vérifier, comment un individu peut amener tout cela comme de choses vérifiables si tout le reste est de la fausseté? Surtout que tout ce qui est vérifiable là, ici, engendre le reste qui est en haut là. Et quel que soit, et c'est facile, l'information que vous avez depuis que vous faites des conférences, des séminaires, des PMC+, l'information que vous avez, vous êtes capable d'expliquer tout ce que l'humain veut savoir sur le plan planétaire. Évidemment, à l'intérieur du contexte évolutionnaire planétaire, on élimine ce qui se passe en haut. Vous n'êtes pas encore rendu en haut. Mais si on vous demande pourquoi les dieux ont abandonné l'homme, vous êtes capable de répondre. Si on vous demande pourquoi il y a des individus qui naissent handicapés, vous le savez. Si on vous demande pourquoi que les témoins de Jéhovah font du porte-à-porte, on sait pourquoi. Si on vous demande pourquoi une mère sauve son bébé puis meurt pour elle, on sait pourquoi. Si on vous pose des questions pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des pays qui souffrent régulièrement, fusion des personnalités dans le monde de la mort, donc il faut qu'ils vivent le même genre d'expérience. Oh, vous le savez aussi. Faites pas assez réchauffer dans le langage pour être capable de tout dire en même temps. Mais si on demande... Mais tout le monde le sait. Maintenant que tu sais ça, qu'est-ce que tu vas faire pour... Mais on s'en fout pour l'instant. Si ce que tu sais dans la merde est vrai, ce que tu sais dans le reste, c'est possiblement vrai. Si moi je te dis que la rivière qui est ici, qui est dans un immense torrent, finit par engendrer des plaines en bas, et que je t'explique tout ce qui peut créer ce qui se passe autour de chez vous, quand tu peux le vérifier, ben tu dois pouvoir dire l'information ou l'intelligence qui amène l'information de tout ce qui m'entoure, puis c'est tout ça, ben c'est possiblement vrai pour le reste. Mais quand t'embarques dans la rivière et tumultueuse, elle se frappe sur les roches, puis on te le dit, on s'était prévu. Tu as peut-être perdu un bras, perdu un œil, on te le dit, puis tu t'es prévu aussi. Et là, tu te rends compte que ce que tu savais est vrai. Puis là, tu dis, maudit! Mais non, c'est vrai. Alors, au lieu de dire maudit, soyons contents, on n'en est pas encore sorti. Mais on connaît la mécanique, par exemple. Et si on connaît la mécanique, on est capable, à un moment donné, de pouvoir contrôler la mécanique. Parce que l'homme ne contrôle que ce qu'il connaît parfaitement. Alors, on peut comprendre. Mais là, on est en train de faire l'étude de la mécanique. Moi, je vous dis qu'il y a un vilebrequin, qu'il y a un volant, qu'il y a des pistons, qu'il y a des segments de pistons, qu'il y a, bon, plusieurs choses dans un moteur d'automobile. Et vous dites toujours, oui, mais je comprends toujours pas comment c'est que la clé, elle fait démarrer. Ben oui, il manque de l'information. Puis là, si vous fouillez dans le moteur, vous découvrez plein de choses. Ça explique pas les routes, ça explique pas les chemins, ça explique pas les destinations. Mais ça peut expliquer les pannes, ça peut expliquer les accidents par manque de freinage, ça peut expliquer bien les choses. Alors, lentement, l'humain commence à se désassujettir. On n'a pas de preuves, on n'a pas de preuves. Vous n'avez pas de preuves de ce que vous ne voyez pas parce que vous ne l'avez pas expérimenté. Mais tout ce que vous avez expérimenté, qui est aussi absurde que l'absurdité elle-même, ben, ce qui amène de l'information du devant dont vous n'avez pas de preuves, explique tout ce qui se passe ici. Et tout de façon même à pouvoir prévoir et prévenir les choses. Tout plus que le passé. Alors, à un moment donné, il faut qu'on se botte le derrière un peu puis qu'on se réveille. Je sais que je ne sais pas tout. Je sais que je n'ai pas la preuve astrale, c'est-à-dire que je n'ai pas expérimenté l'avenir. Mais torieux, l'information qui descend, que de temps en temps je comprends, comme ça, bien, si ça me permet d'expliquer des choses qui sont là, tant qu'à douter de tout, bien, à un moment donné, je peux douter de ça aussi, mais tant qu'à devoir de toute façon m'asseoir dans une direction, autant prendre celle-là. Le double éthérique, il se crée par la négoïsation. La négoïsation, c'est la fonte de l'ego. Pour fondre l'ego, on a vu comment ça se faisait. Et c'est pourtant ce qui vous arrive régulièrement. Et on chiale. Faut être patient. Et on sait aussi très bien que l'impatience, c'est de l'orgueil. Plus t'es impatient, plus c'est long. Ben oui, plus t'as d'ego. Facteur de la négoïsation. Plus t'es patient, plus ça va vite. Tu sais, comme c'est mal fait, le monde. Celui qui s'en fout, il l'a de suite. Celui qui le veut, il l'a pas. C'est pas mal fait, le monde. Faut comprendre la mécanique. T'as de l'ego, t'es impatient. Ben, c'est de la négoïsation qui t'amène le résultat. Le double éthérique, est-ce que ça existe ou non? On s'en fout. Une chose certaine, c'est que Dieu, je peux l'expliquer. Et toute la mécanique biologique, endocrinienne, chimique, les morts, les divinités, l'émotivité humaine qui s'exprime par le facteur endocrinien, c'est facile à vérifier. Il n'y a aucune émotion chez l'humain qui ne s'exprime pas autrement que par le corps physique. Et pourquoi l'humain vit ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Mais nos corps physiques sont améliorés depuis le passé. Et ça, on le sait aussi. Et c'est facile à prouver. La science s'améliore, mais la conscience de l'humain dans la science s'améliore aussi. On peut englober plus de mathématiques, on peut englober plus de données, plus d'informations. Mais merde, il y a de l'évolution quelque part. Et toute la mécanique au complet ici, si on additionne tout ça au complet, on est capable de partir du passé, additionner, se dire, avec ce qui s'est passé là, théoriquement, on devrait avoir ça, ça, ça, ça. Là, on remonte de quelques milliers d'années, puis on se rend compte que c'est ça qui est arrivé. Et si on additionne maintenant ça avec le reste ici, pas extrapolé émotivement, on additionne, puis on devrait se dire, ben merde, s'il y a des raisons intelligentes ou logiques, il devrait avoir elle, elle, elle ou elle. Tu regardes encore 2000 ans plus tard, puis les quatre sont vrais. Et si maintenant vous regardez toute la mécanique qui anime l'animal humain sur le plan planétaire, on parle de prophétie, on regarde ce qu'a fait dans le passé, on explique toute la mécanique à partir d'un phénomène supramental, et puis si on additionne encore une fois, on peut prévoir qu'une planète qui existe là. Pourquoi? Parce qu'il y a des planètes qui tournent, puis dans leur orbite, ils sont perturbés. Alors on ne l'a jamais vu qu'avec le télescope, on peut dire mathématiquement que si on regarde en telle position, à telle date, on va voir une planète. C'est de même que nous découvrons Pluton, mathématiquement. C'est de même qu'on a découvert des naines blanches. C'est de même qu'on a découvert des trous noirs. Mathématiquement. Et c'est de même aussi qu'on peut envisager l'extérieur. Tout ce qui se passe là, ici, donne des résultats. C'est réactionnel. Vu que c'est réactionnel, nécessairement, c'est prévisible. Ce n'est pas le hasard. Albert Einstein s'amusait à dire que Dieu ne joue pas avec des dés, sauf que Dieu jouait avec une roulette russe. Mais c'était prévu. On a une mécanique mathématisable. Alors, nécessairement, quand on regarde, est-ce que je n'ai pas de dobétérique, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Tant que tu broyes, la partie qui chiale, elle n'a pas de dobétérique. Quand elle chiale plus, elle n'est plus là, ben c'est ça, c'est le dobétérique. Puis, si on additionne tout au complet, puis vous en savez, j'ai dit, vous êtes des libraires. Lisez vos livres un peu. Ça veut... Par exemple, la planète. On l'a, mathématiquement, on a dit qu'elle était là, effectivement, elle était là. Mais là, il y a deux moyens. On peut dire, la planète est apparue. Quand il a fallu qu'on le sache. L'important, on s'en fout, l'important, c'est qu'est-ce que là? C'est un dobétérique qui apparaît uniquement quand tu vas arriver là. Même si tu es côté pied de menterie, oui. Dis-moi que tu n'as un dobétérique. Mais c'est pour arriver à dire, je n'ai qu'à vouloir quelque chose, ça va arriver. Tu n'as qu'à vouloir ce qui va arriver, ça va arriver. Ah ouais, c'est ça. C'est immanquable! Mais... Quand j'étais jeune, je regardais à travers les murs chez nous, à travers la porte, et j'imaginais des choses. À un moment donné, je me suis dit, tant qu'à imaginer, autant imaginer ce qu'il y a de bord. Pourquoi toujours imaginer des mensonges? Alors j'ai commencé à ouvrir la porte, à regarder les murs, à fermer la porte, après ça, à voir les murs. Jusqu'à temps que je puisse voir suffisamment convenablement à travers la porte ce qui est là. Projection de la mémoire, possiblement. À un moment donné, j'ai vu ma mère descendre l'escalier puis s'en venir. Alors j'ai caché mes conneries, et puis effectivement, elle est rentrée dans la chambre. Ah oui. Imagination, on s'en fout, hein. Si tu imagines la réalité, que les psychologues aient se couché. Oui, il commence à temps, de toute façon. Ah, ça, c'est... Les mots sont plus intelligents quand, qu'ils n'en ont l'air. Ainsi, on ne travaille plus, on s'occupe. On occupe un emploi. Moi, je dirais « on s'occupe ». Cependant, parfois, je trouve qu'un mot anglais dit plus que son équivalent, que je trouve en français. Un exemple est le mot « cheap ». Un individu « cheap » veut dire qu'il est dans sa façon d'être, de vivre, de parler, sa personnalité, même... Si normalement, l'anglais est plus limité, et, exemple, savoir et connaissance se traduit toutes les deux par le mot knowledges. N'y a-t-il pas des cas où l'anglais est plus approprié? Voyez-vous, c'est comme quand on parle à des artistes, puis l'artiste nous dit, ben moi, là, j'ai été sur un stage, puis là, je suis devenu une star, puis là, j'ai du feeling, puis là, tu l'as fait de lui faire dire ça en français. Ben voyons donc, une star, c'est une étoile, et franchement, je suis devenu une étoile. Pas devenu une étoile, puis feeling, comment voulez-vous traduire ça, feeling? Pas de mots en français. Puis un stage, comment, je sais pas, moi, un plancher surélevé, tu sais, il me semble que ça fait qu'étaine. Oui, apprenez les bons mots. Vous allez voir qu'ils traduisent très bien ce que vous voulez dire. Quand on dit, ouais, mais tu sais, il faut se grounder. Ben oui, ground, terre. Moi, je parle de terrestrifié. C'est sûr que la première fois que tu entends un mot, ça fait comme bizarre. Mais après ça, le mot lui-même, c'est merveilleusement plein ça. Mais non, l'humain qui Je connais des enfants, moi, qui veulent pas avoir de camion à Noël, ils veulent des trocs. Un troc, ça casse pas, c'est un troc. Quel camion. Tu fais quel camion? C'est pas solide. Alors, c'est juste parce que vous n'avez pas la saveur des mots, puis bien souvent, vous prenez un mot français qui ne désigne pas ce que vous voulez donner. Quand on parle de look, un look, c'est l'onde de forme, c'est aussi de l'esthétique, puis on a plusieurs mots en français pour le définir. Sauf que les personnes qui ont une cérébralité relativement paresseuse, le moindrement qu'ils veulent dire quelque chose puis qu'ils n'ont pas le mot, puis là, ça veut parler, s'il y a un mot arabe qui tombe là, ben voilà, c'est ça le mot, ils l'ont. Comme on est collé sur les États-Unis, ben c'est des mots anglais qui nous tombent sur la face, puis on les adopte tout de suite. Mais aux États-Unis, bienvenue, c'est extrêmement anglais. Bon appétit, mais c'est anglais. Absolument. Quand tu veux faire snob par aristocrate un peu, tu dis bienvenue, puis tu dis bon appétit, puis ah, bon appétit, tu dis. Mais ils parlent mal l'anglais, eux autres. Ah, ben non, c'est la forme, c'est ça, c'est la forme d'imbécile, c'est comme ça. À un moment donné, on voulait se séparer du peuple qui nous copiait, puis il y a un mot français qui est arrivé, c'est sûr, les pauvres peuvent pas voyager, ils peuvent pas ramener le mot bienvenue ou bon appétit. Fait que nous, les riches snob, on le prend. Puis les pauvres, ils parlent pas comme nous autres. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait comme les Français font. En France, vous savez, les stationnements, ça n'existe pas. C'est des parkings. C'est évident. Faire du magasinage, voyons donc, c'est un mot qui est... Shopping, c'est français. C'est évident. Tu sais, magasinage, s'ils connaissent le terme magasinage, ils vont l'employer. Mais quand tu connais pas le mot magasinage, faire la tournée des boutiques, ben non, tu sais, faire du shopping, ça explique ce qu'on veut dire. Mais sinon, quel mot? Faire du lèche-vitrine, franchement. Faire du shopping, c'est du magasinage. Faut juste connaître les mots. Simple. Alors, il n'y a pas de mots en français qui sont inférieurs aux mots en anglais. Il n'y a pas de mots en anglais qui sont inférieurs aux mots en français. Mais la façon de structurer les phrases est différente. Il y a une façon qui fait que les égaux mathématiquement arrivent plus vite à une entente en anglais qu'en français. Certains vont dire, ben moi, je parle en français, puis j'ai des amis avec qui je m'entends très bien. Parlez de mental à mental. Vous êtes en plus, vous avez des affinités. Mais on parle grosso modo. Puis celui qui me dit, ben oui, non, c'est pas vrai. D'accord, c'est pas vrai. Les Américains ont le monopole des affaires dans le monde, mais c'est parce que le français est supérieur en affaires. Ça, c'est évident. Bon, alors on peut philosopher longtemps, mais on peut aussi constater des choses. Sauf que les mots sont là. Il n'y a pas de mots en français qui ne peuvent pas être créés en anglais. Et vice-versa, comme dans n'importe quelle langue. Mais il y a des mots en anglais qui manquent. On les crée. On les crée comment? On ne prend pas le mot français. On se sert de la structure qui crée vitalement les mots en anglais. Quand ils ont sorti le mot « grande » ou « underground », ça ne veut pas dire que quelqu'un est sous terre. Ça veut dire « occulte ». Ah, il y a des mots qui existent aussi, mais c'est un occulte populaire. C'est un occulte permis. Mais on invente des mots. Puis parce qu'eux autres inventent des mots, puis que nous autres, on est suffisamment médiocres, le moindre moment qui invente un mot, ben on pense que c'est le mot planétaire. « Underground », c'est « underground », la musique « underground », tu connais ça? Ah, ben oui. Du heavy metal. Ah, métal hurlant. Qui que ça fait qu'éteigne? Mais c'est mauditement ça, hein? C'est du métal hurlant à tabarnouche, hein? C'est pesant, oui. Oui, mais ah, l'humain, en tout cas. Les mots, pas de problème, trouver les bons mots. Parler du bouddhique supramental n'est-il pas un pléonasme? Non. Le bouddhique n'est-il pas forcément supramental avant d'être bouddhique? Non. C'est comme si on dit... Parler, est-ce que l'eau est nécessairement de la vapeur? Non. Est-ce que la glace est nécessairement de l'eau liquide? Non. Ce sont les expressions énergétiques. Il y en a un qui est un solide, la glace, un qui est un liquide, un qui est un gazeux, un qui peut même être moléculaire ou atomique. Mais ce n'est pas la même expression d'énergie. Lorsque l'être humain a une capacité de retenir de l'énergie supramentale dans la descente de l'énergie, il est supramentalisable. Lorsqu'il est totalement plein d'énergie supramentale, l'énergie qui descend encore est arrêtée à un niveau plus haut. Il est supramentalisé et il commence à vivre un arrêt bouddhique. Dans la majorité des cas pour commencer déjà à être préservé. C'est pas une aristocratie plaisante, mais les MTS font quand même partie d'une autre race, de la race des supramentalisables, et ils ont une fonction particulière à faire à l'échelle de la planète, et ils ne mourront pas sacrifiés comme dans l'Antiquité, c'est-à-dire que le MTS est suffisamment supramentalisé pour ne plus trouver honorable d'être martyr. ils se martyrisent un peu par la mécanique des choses, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de vivre à même leur contact supramental, ils ne sont pas capables de monnayer leur intelligence, ils ne sont pas capables de se servir de ce qu'ils sont et de ce qu'ils savent. Mais martyrs, dans le sens chrétien du terme, non. Ils n'auront pas besoin de sacrifier leur vie. Déjà qu'ils sacrifient un peu de temps. Bon, peut-on être aristocrate et martyr, ou est-ce mutuellement exclusif? Comme tout à l'heure, je viens de le dire là, le martyr est aristocrate. Il est aristocratisable en tous les cas, mais ce n'est pas nécessaire de devenir martyr. Mieux vaut être seulement aristocrate. Le corps physique est un sport mémoriel. Et le double éthérique est un sport énergétique de la conscience. Le double se fusionnera à quoi, et cette fusion engendrera quel genre de type de transporteur de cette conscience? Le double, lui, va... Bon. Le double éthérique, c'est dans le plan moronciel. C'est ce qui va permettre ce qui va servir de mémoire tampon à la descente d'énergie supramentale. Premièrement, cela va permettre à la conscience lucide de l'humain de se créer un réservoir qui va le rendre immortel. Donc, même si le corps physique meurt, il ne gagnera pas le monde de la mort. Deuxièmement, l'ajusteur de pensée du double éthérique à l'âme de l'être humain, un âme en phase de négoïsation, donc une âme de plus en plus pure. Lorsqu'une âme est totalement pure, le périsprit change de nom, il s'appelle Séraphin. Et le Séraphin est de l'énergie supramentale, vitalisée, donc terrestrifiée, plus ou moins pure. Maintenant, ce qui arrive, c'est que le double éthérique, lui, va non seulement servir à recevoir la conscience lucide d'un individu pendant sa vie en termes d'expérience, mais en même temps, si l'individu a un décès du corps physique, mais en plus, le double éthérique sert de réservoir tampon à l'accumulation d'énergie supramentale. Comme ça, notre être humain a la capacité de ne pas se faire inonder d'énergie supramentale, ce qui va lui permettre d'exprimer dans le contexte planétaire uniquement ce qui est utile dans le contexte planétaire, tout en permettant à la conscience d'un individu d'avoir accès au réservoir dans le double éthérique, de l'énergie supramentale qui n'est pas nécessairement utilisable dans le contexte planétaire, mais qui est essentiellement utilisable dans l'énergification d'un être plus supérieur à ce que l'humain peut concevoir au niveau des dieux. Alors, le double éthérique se nourrit du monde, du monde supramental, nécessairement des sphères qui sont supérieures à lui, et il va conserver en mémoire tampon, il va donc engendrer, permettre la création d'un support de la conscience, une conscience supramentale, donc une espèce de location de conscience extraterrestre et une conscience planétaire, une location terrestrifiée de la conscience humaine. C'est ce qu'on appelle une bilocation de conscience. Alors que l'humain, présentement, a une plurilocation de conscience à travers ses différents corps. Lorsque cela est suffisamment accompli, le double éthérique, lorsque l'être humain est totalement anégoïque, le double éthérique va maintenant descendre, prendre la place de l'âme. Le mental est repoussé par le double éthérique, la conscience supramentale, et descend totalement au niveau du périsprit, engendrant le corps séraphique. Le double éthérique descend maintenant au niveau de la conscience et va balayer totalement les vieux archétypes génétiques qui vont rester. Un cerveau intuitif, un cerveau cartésien. On a un troisième cerveau énergétique qui est le double éthérique, mais tout cela complet va se dissoudre et l'être humain va devenir un être totalement supramentalisé. Il n'aura plus de double éthérique, c'est-à-dire qu'il sera lui-même un double éthérique fusionné à une conscience matérielle corporelle. Son corps atomique va voir sa vitesse atomique extrêmement augmentée. Il va augmenter sa masse, il va augmenter évidemment son rayonnement ionisant, donc par imprégnation, il pourra colorer beaucoup plus de superficie. Et le corps matériel devient un corps presque démolécularisé, c'est-à-dire que les atomes continuent à constituer le corps physique de l'humain, mais les atomes le constituent uniquement sous l'emprise de l'intelligence supramentale du double éthérique et non plus sous l'emprise d'attraction atomique. Autrement dit, tu n'es plus des molécules associées en cellules, ce sont des atomes qui constituent une forme. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance, mais il y a une grande nuance. De ce fait, le corps n'est plus assujetti aux lois de la matière. Lorsque le corps veut traverser un mur, étant donné que c'est uniquement des particules subatomiques, même de l'énergie, je dis atomes, pour qu'on comprenne que c'est plus des molécules, ça peut traverser un mur, ça peut disparaître et se réintégrer ailleurs, ça peut se pluriconstituer à plusieurs places, donc tu peux avoir plusieurs expressions du même corps à plusieurs places, et la conscience par les différents corps séraphiques et canals va donc être dans tous ces corps de lumière, les corps éthériques. Ce n'est plus des cellules, ce n'est plus des molécules, c'est, je dis des atomes, c'est même au-delà de l'atome. Alors, ça devient un véhicule qui supporte la conscience autant dans le monde moronciel, autant dans le plan physique. Et nécessairement, quand cela se fait, les individus reliés au même faisceau du monde de la mort sont tous digérés par l'individu qui est en bas, donc ils sont déjà incarnés. Ils sont spirituellement sauvés. Non, coquichol un peu. Mais est-ce que le double, est-ce que ça a une forme matérielle palpable? Tout dépend de ce que l'on entend par palpable. Un être ancien qui touche un double éthérique, pour que le double éthérique soit suffisamment densifié, aura l'impression de toucher du métal. Pas au niveau de la température, mais au niveau de la texture. La masse de l'individu, de toute façon, un individu qui est supramentalisé, qui a une fusion, ne se promène pas à travers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a certains initiés avec lui, il y a certains personnages planétaires qui sont capables de fonctionner avec lui, qui sont suffisamment énergisés, mais il ne peut pas fonctionner à travers une masse, une population, parce qu'il va automatiquement dissoudre la conscience de tous les individus qui vont s'approcher de lui et la remplacer par son imprégnation, ce qui, du point de vue de l'évolution génético-supramentale, n'est pas convenable. Ce que je voyais, c'était impossible d'amener un double sur la Terre. C'était seulement de la lumière et de la conscience. Ben c'est ça que c'est un double. Mais le double n'est pas habillé avec un veston et une cravate, puis quand tu l'appelles, tu sais, puis il descend, puis là, t'embarques dedans, puis on va te promener. Alors, si j'ai un de mes amis qui est un double, il va me parler dans ma tête. Tu n'as pas d'ami qui est un double. Non, je parlais dans quelques années. Si tu as un double éthérique, ils seront télépathiquement reliés ensemble. Ça ne parlera pas dans ta tête. Tu sauras ce que tu as besoin de savoir, que l'autre sait aussi. Un double n'a rien à faire sur la planète. Ben, il n'a rien à faire sur la planète. Le double éthérique se fout royalement du contexte planétaire. Le double éthérique est une mécanique qui apparaît lorsqu'il y a un contact entre des énergies descendantes, extraterrestres, supramentales dans la plus basse expression, et des énergies qui sont évolutives, donc ascendantes et non pas descendantes, qui sont évolutives du contexte planétaire. Lorsque les énergies qui descendent viennent toucher la conscience d'un humain qui est en phase évolutive, cela engendre un double éthérique. L'énergie supramentale, au lieu d'être colorée et terrestrifiée, se crée un réceptacle où elle pourra se préserver. La conscience lucide de l'individu, au lieu de toujours gagner le monde de la mort, adopte le même réceptacle où elle sera préservée. C'est le double éthérique. Mais le double éthérique lui-même n'a pas de constitution intentionnelle, c'est simplement un réservoir, c'est un corps. C'est comme le corps physique, quel rôle a-t-il à jouer sur le plan planétaire? Ben, si tu dis conserver la conscience, ben, le double éthérique, c'est pareil. Mais si tu dis le corps physique, il a comme fonction de se reproduire, c'est faux. C'est l'âme qui crée des corps physiques pour pouvoir s'incarner. Le double éthérique est uniquement un véhicule, c'est un véhicule spatial, c'est un véhicule intergalactique, c'est un véhicule interuniversel. Un double éthérique unifié, c'est un faisceau? Un double éthérique fusionné? Qu'est-ce que j'ai dit? Unifié. Oui, c'est ça, unifié. Un double éthérique unifié. C'est-à-dire qu'on... Des doubles éthériques unifiés vont engendrer un faisceau. Un faisceau qui se résorbe. Mais est-ce que... Si par exemple un bras de double éthérique, c'est peut-être par une centaine de personnes, des milliers de personnes, puis finalement, complètement, une fois qu'il est complété, devient un faisceau, c'est pas ça? C'est ça. Ah bon. C'est dommage, hein? Ah, qu'est-ce que tu veux? Pour revenir dans l'imprégnation, la meilleure façon, c'est une question, ou une confirmation, la meilleure façon la meilleure méthode pour imprégner d'autres humains, ça serait de leur donner du sang de supramental, d'humains supramentalisés. C'est que ça va donner... Non. Faire une transfusion sanguine d'un être humain qui est en supramentalisation va équivaloir à donner une dose d'énergie, comme par exemple en séminaire, ou simplement si tu te regardes un peu avec un humain, ou bien non, si tu te plantes un petit peu au niveau de son ego, ça va l'énergiser pendant un laps de temps. Lorsque le sang aura été rejeté, détruit, digéré par le corps physique, comme ça va se faire au niveau de l'imprégnation conventionnelle, l'enfant, l'individu se refroidit, revient au même taux qu'il était avant. Donc, ce n'est pas comme cela. Ce que l'on doit faire, c'est faire ce que l'on fait présentement, c'est-à-dire qu'on doit attendre que les corps physiques les moins aptes à recevoir de l'intelligence daignent bien vouloir mourir, et on doit s'arranger pour ne pas déformer par l'agression pédagogique actuelle les corps physiques qui ont la capacité à être supramentalisés, ce qu'on parle donc d'enfants Teflon. Il y a aussi beaucoup d'adultes Teflon qui devraient du moins être préservés, c'est-à-dire qu'on doit cesser de leur taper dedans avec la normalité, ce genre de conneries. Et par la suite, l'imprégnation, il faut faire attention, tu peux imprégner des individus qui n'ont rien à voir avec toi. Tant qu'ils seront dans ton entourage, ils seront énergisés par ce que tu fais. Tu devras nécessairement les nourrir de temps en temps, donc ils devront venir te téter, tu devras accepter. Et lorsque tu t'éloignes ou lorsque tu t'en vas, Ces individus, après quelques mois ou quelques années, vont se chicaner entre eux un peu pour ramasser les particules de ta mémoire. Et à un moment donné, ben, ils sont refroidis suffisamment, c'est plus ça du tout. Le vrai travail consiste à énergiser un individu qui a besoin de ton énergification. C'est-à-dire que tu ne manipules, moi, si je t'énergise, donc si je t'imprègne, je ne peux imprégner que les parties que ton mental autorise à imprégner. Autrement dit, tu n'es pas assujetti à ma présence, tu te sers de ma présence. Si toi, tu m'imprègnes, tu vas apporter chez moi des compensations des lacunes que j'ai, mais je ne suis absolument pas assujetti à ta conscience, bien que je sois capable, à un moment donné, de voir un peu plus par tes yeux, et ma conscience va accepter ou refuser la vision, ce qui fait que lentement, si tu es intelligent, si je suis intelligent, je vais me développer, me déployer par ton imprégnation, et tu vas faire la même chose par mon imprégnation. Mais ce n'est pas une imprégnation qui rend l'autre esclave. Tandis que si tu veux imprégner un être humain qui n'a pas de conscience mentale, un être humain qui ne discerne donc pas entre le mental et l'astral, un être humain qui n'a pas d'agiteur de pensée suffisamment opérationnel, nécessairement, l'imprégnation que tu vas faire chez lui l'omnibule totalement et tu en fais un disciple. Un esclave ou ce que tu voudras, mais d'une chose certaine, c'est un subalterne. Ça ne peut pas être un ami. Fait que finalement, c'est l'imprégnation de, entre supramental ou tendance supramentale, ça l'aide au voyagement de point de vue. Ça crée une synergie, finalement. Le double éthérique que tu as à peine constitué, si de temps en temps, mon imprégnation te permet disons, d'avoir de l'information qui ferait comme si tu occupais le mien, ou celui d'un autre, le fait que tu discutes avec certains individus, que tu discutes pour parler, tout ce que tu dis n'est pas retenu contre toi ou contre ton ego. Le fait de pouvoir faire ce genre de choses crée une synergie. Nécessairement, tout le monde se réchauffe parce que tout le monde adopte des points de vue. Il y a une homogénéité au niveau de la conscience qui va s'établir, mais tu n'es pas assujetti pour autant. Parce qu'à l'instant où on arrête ou on cesse de parler, ou à l'instant où quelqu'un commence à déblatérer, ça n'embarque plus. L'humain doit faire confiance à rien. Sauf que l'humain doit savoir, à un moment donné, quelles sont ses limites. Lorsqu'un être humain ne peut plus se faire ramasser, il doit foncer. Pas foncer tête baissée, foncer tête haute. Il ne peut plus se faire ramasser. Si tu vas avoir les témoins de Jéhovah et que pendant un an de temps, ils veulent te convaincre, ils ne pourront pas te convaincre. Le mieux qui va arriver, c'est que tu n'en convaincras pas. Et le pire, c'est qu'il y en a un paquet qui vont lâcher. Mais souvent, les égos ont peur. Les égos se disent, ah oui, mais tu sais, on ne sait jamais, ils sont tellement puissants. Non, ça, c'est l'ego qui parle, mais l'ego fait fi du mental. L'imprégnation qui se fait entre des êtres humains qui sont supramentalisables, donc conscientisables, c'est une imprégnation qui se fait par accréditation. C'est parfait. Alors, si on vide une personne complètement de son sang et qu'on le remplit de, comme je faisais la vision, ou on l'avertit de rester dans le plan morantiel en attendant, ça ne peut que perturber la personne psychologiquement si elle n'est pas supramentalisable. Ben, c'est son ego, quand l'ego va venir, tout ce qu'il va pouvoir constater dans la lecture du corps, c'est une vision qu'il n'a jamais eue, qu'il ne connaît pas du tout, peut-être qu'il pensait qu'il y a un contact avec Dieu ou avec le diable, et par la suite, il devra se démerder avec ça. C'est sûr que si tu vides un individu de son sang, que tu élimines la majorité des os qui fabriquent le sang, et que tu te connais le reste de ta vie avec lui, ah ben là, il va vivre avec ton sang. Lentement, tu vas le transformer. Mais pour faire de la course, c'est pas tellement pratique. Pourquoi dis-tu qu'un couple doit se haïr pour se quitter, alors que... Mais j'ai pas dit ça. Mais c'est ce qu'elle dit que t'as dit. Hé! Hey. Alors que c'est ça qui le fait rester ensemble pour se prouver qu'il s'aime. L'amour méritoire, c'est de... Est-ce de rester héroïquement et courageusement? Héroïquement? Ben... Non, c'est de l'amour, effectivement, héroïquement. Non, les héros sont des imbéciles, la preuve, sont toutes morts. Bon. Pourquoi dis-tu qu'un couple doit se haïr pour se quitter? Parce que la majorité des couples ne sont pas suffisamment intelligents pour mettre fin à une relation lorsque la relation n'a plus de raison d'être. Donc, ils doivent s'haïr pour s'en aller. Sauf que, qu'est-ce que c'est qu'haïr? Ben, haïr, c'est haïr. C'est pas à cause qu'un couple commence à s'identifier l'un envers l'autre et qu'ils s'haïssent. Je ne connais pas de couple, moi, qui s'haïssent et qui restent ensemble. À moins, évidemment, qu'il y en ait un qui aime. Puis l'autre, il haït, mais l'autre, il profite de l'argent de celui qu'il aime. Mais si les deux s'haïssent, ils ne restent pas ensemble. Par contre, le couple vit des problèmes. Ce n'est pas de la haine. Et ces problèmes font en sorte qu'ils veulent surmonter ce qu'on appelle des obstacles. Au nom, évidemment, de la collectivité matrimoniale. Parce que c'est un peu casser sa vie, manquer sa vie, perdre sa vie que de se divorcer. Alors que, sur d'autres points de vue, c'est de se marier. Bon, les points de vue sont tout permis. L'individu n'est pas suffisamment intelligent pour pouvoir dire à sa femme ou à son mari, bon, ben là, on devrait séparer les choses, déménager, d'ici un mois ou deux, là, parce que là, on peut rien faire ensemble. Et là, il répond, ben effectivement, ça va bien d'allure. Non, ils doivent saillir, parce que s'ils saillissent pas, ils pourront jamais, jamais, jamais. Sauf que la haine, c'est de l'amour. Alors, il faudrait qu'ils saillissent en mots, t'as dit, pour arriver à se séparer. C'est pourquoi je dis que la majorité des couples ne peuvent se séparer intelligemment. Ils se séparent toujours avec des avocats et en se lançant le peu de vaisselle qui leur reste. Mais c'est donc de la haine, mais c'est de l'amour. En attendant, la majorité des couples, ils saillissent toujours un peu, mais c'est pas de la haine dans ce temps-là. Comment ça va avec ton couple? Les ondes de forme générées par les formes géométriques ont-elles la possibilité d'apporter à l'être humain de l'énergie vitale ou d'une autre nature? Oui, mais les ondes de forme géométriques, les structures géodésiques, vont amener énormément d'énergie vitale, une énergie qui apaise l'ego, une énergie qui a comme bon critère de transformer les parties basses d'un ego en parties moyennes ou autres. Mais on doit baigner. Ce sont des capteurs ou des émetteurs, mais finalement, ils ne font que concentrer, ils émettent de la lumière, ils la réfléchissent. Disons que ce sont des émetteurs qui, pour être extrêmement efficaces, doivent être énormes. Et même s'ils sont énormes, le temps d'exposition doit être échelonné sur des dizaines d'années. De ce fait, un individu qui se fait un petit pendentif ou qui se fait une petite tapisserie en forme géodésique, bon, c'est pas ça qui va changer sa vie. Alors, les capteurs doivent être immenses, ils doivent être isolés du sol, et le temps d'exposition doit être extrêmement important. Et c'est évident que dans les structures de construction, à un moment donné dans l'avenir, ces formes seront de plus en plus employées. Lazare travaillait seul. Que deviendra le solitaire qui se conscientise? Va-t-il nécessairement se grouper? Bon, Lazare ne travaillait pas seul, premièrement. Mais Lazare était rusé, lui. C'est qu'il s'incarnait dans plusieurs personnes puis travaillait ensemble. Ouais. Mais enfin, il travaillait quand même pas seul, n'est-ce pas? Bon. Le solitaire va-t-il, qui se conscientise, va-t-il nécessairement se grouper? Ben, nécessairement, oui. Si c'est pas tout de suite, c'est parce qu'il a encore la phobie des groupes, parce qu'il n'est pas encore un solitaire, il n'est pas encore fait tout un solitaire, mais c'est pas un individuel dans sa conscience. La preuve, le moment qu'il se colle sur quelqu'un, il devient collectif, alors pour le nom de tout ça, il a peur de tout le monde. Il peut attendre quelques années, mais à un moment donné, effectivement, oui, il va se grouper. Et qu'est-ce que ça veut dire, se grouper? Vous allez acheter des tomates au supermarché, vous êtes déjà groupé. Sinon, vous devez les planter vous-même. Alors, l'être qui se conscientise est trop intelligent pour aller planter ses tomates lui-même. Ben, aller à la chasse, puis faire son linge, puis faire ses maisons, puis faire ses transistors, puis monter sa radio, puis trop intelligent à faire. C'est pas faire se grouper. Mais en se groupant, nécessairement, est-ce qu'il atténue la capacité d'apporter d'informations ou il doit... Bon, c'est comme ça. Bon, c'est comme ça. Ah, c'est ça. Ben, en haut, il coupe en haut, là. Ouais, il coupe, ouais. Parce que t'aspires pas assez. Ça ne brime pas l'individu lorsqu'il se groupe. C'est tant que l'individu a un ego qui tend à exprimer sa maudite créativité que nécessairement il se sent brimé à l'instant où il approche de quelqu'un. Mais l'idée, c'est qu'on doit comprendre. Il y a un chemin, il y a une façon de cheminer. Et si l'objectif est de cheminer, tant qu'à cheminer, le plus facilement possible, pourquoi faudrait que chacun veuille mettre sa roue après l'automobile? Quand il y en a 4 ou 6 ou 8 ou 10, c'est suffisant. Mais la roue du trou que tu as, mange-la donc, puis digère-la, puis fais quelque chose d'autre avec. Faisant des jumelles pour voir dehors. Oui, mais j'aurais aimé ça, faire une roue. Créativité de l'ego. De ce fait, tous ceux qui se supramentalisent ont de grandes difficultés à travailler ensemble parce que, au nom du libre-arbitre, qu'ils n'ont pas d'ailleurs, au nom du non-assujettissement auquel ils sont assujettis, et au nom de leur créativité astrale qui veut simplement transformer la puissance en pouvoir pour pouvoir dire « c'est moi qui l'ai fait », ils ne peuvent pas travailler ensemble. Mais c'est quoi? Lorsque un paquet d'êtres humains inconscientisés se connaissent, se mettent ensemble, où il y a une atténuation? De un humain vaut un humain, deux humains en valent quatre, puis quatre humains en valent 36. Ben alors, il n'y a pas d'atténuation là-dedans, mais l'individu doit simplement se dire, bon, qu'est-ce qu'on veut faire? Si on veut tout aller sur la Côte d'Azur, bon, ben, il y en a un qui dit, moi, je m'occupe de l'avion. L'autre dit, non, on va l'occuper, moi, moi aussi. Ah, toi, c'est un Boeing, moi, je veux un DC-10, bon, bon, allons de la chocolat. Moi, je prends l'avion, on va prendre ce qu'il y a, on va m'en aller là, sur la Côte d'Azur. Mais si tout le monde se dit, parfait, on veut y aller, t'occupes de l'avion, tant mieux. Mais ceux qui se supramentalisent, ils disent pas tant mieux, ils chialent automatiquement au nom de la créativité. Là, elle arrive avec l'avion. Ah, lui, il se lit, il dit, ah, mais les feux de ménage, moi, je m'occupe de ça. Qu'est-ce qu'on a à foutre de feux de ménage dans l'avion? C'est un moyen de transport, rien d'autre à soir. La créativité de l'humain, il faut qu'il ait l'impression qu'il a participé. Pff, tu t'assois. Et une chose qui est certaine, c'est qu'une fois que tout le monde est assis, s'il n'y a pas de pilote dans l'avion, ben là, t'attends, personne ne se lève, ben tu y vas. Tu accomplis une tâche mécanique. Mais pas au nom de ton ego qui veut mettre sa créativité. C'est tellement simple. Il y a des individus qui travaillent et qui passent leur vie à travailler. C'est leur créativité. Mets le nom que tu voudras. Le peintre qui est là, puis qui peint, puis qui peint, dit « Ah, j'ai pas le choix, faut bien que je vive. » Faisant un peu moins, l'offre puis la demande, c'est vendre plus cher. Crime. Celui qui travaille. Si ça a marché, ça va marcher. Si ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Travaille ou travaille pas, c'est la même affaire. Tu fais le minimum. L'humain ne doit jamais faire le maximum. Il doit faire le minimum. Mais les égaux font le maximum de ce qu'ils peuvent faire. Oh, il y en a qui font le maximum du minimum, c'est sûr. On doit faire le minimum. Tu fais cela. Puis, oh, mais si je ferais... Je sais pas. Les deux antennes supramentales qui sont érigées au Québec, on peut s'en servir. C'est ça qui se passe. En tout cas, il y en a qui s'en servent. Mais est-ce qu'ils vont achever leur travail? Oui. C'est-à-dire, mais est-ce que nécessairement quelqu'un... Est-ce que c'est évitable que quelqu'un les remplace? Et, ou plusieurs? Il n'y a rien qui remplace personne. Quand un travail est accompli, le travail est accompli. Est-ce qu'un avion remplace une automobile? Non, parce que pour circuler à 50 km/h dans les rues de Montréal, un avion, c'est pas pratique. Quand tu es sorti de la ville de Montréal, tu arrives à l'aéroport de Dorval ou de Mirabel, tu prends un avion. Mais l'avion n'a pas le même rôle, il ne remplace pas. Il y a encore beaucoup d'égo qui veulent savoir si on peut remplacer. Je suis irremplaçable. Alors, tenez-vous le pour dit. Irremplaçable. Il y a quand même des messages qui sont émis par ces antennes-là. Mais pas quand même, c'est évident. Il y a quand même, étant donné... il y a des messages. Et est-ce que... Si ça s'arrête aujourd'hui, par exemple... Allez, ça vaut même pas la peine d'en parler, ça s'arrêtera pas aujourd'hui. Si ça s'arrête un jour... Ça va s'arrêter un jour, quand ça va être le temps que ça s'arrête? Mais ce que je veux dire, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire, mais ça n'a pas de sens? Ça... Ouais, mais... Ben, OK. Alors, si c'est arrête, quelqu'un peut les remplacer, faire le même travail qu'eux, mais ça n'arrivera pas. Faire le même travail qu'eux pour que d'autres en bénéficient. Mais on ne travaille pas pour que les autres en bénéficient. Ben, il y a à peu près 100 personnes dans la salle. Ouais, mais je travaille pas, je suis pas ici pour qu'ils en bénéficient. Non, t'en bénéficies ensuite. Ouais, mais c'est ma faute s'ils en bénéficient aussi. L'intelligence ne se fend pas le derrière pour en baver dans la face à tout le monde. L'intelligence ne se fend pas le derrière non plus pour que jamais rien ressorte. Tu ramasses ce que tu as besoin. Moi, ça fait s'abrasse les rideaux. Puis après, mais les rideaux sont contents. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Ouais, mais d'un point de vue égoïque, c'est que ça serait nécessaire que d'autres le sachent. Un plus grand volume de personnes sachent. Mais c'est ce qui arrive. Que tout le monde devienne des libraires. C'est ce qui arrive. Mais pas des libraires. Il faut qu'ils deviennent des personnes qui sont capables de vivre leurs choses. Les libraires qui savent lire. Oui, mais qui savent lire et qui ne vendent même pas le livre. Un libraire qui fait juste vivre. Il n'y a plus un seul livre. Quand tu viens le voir, avoir un livre de psychologie. C'est quoi ta question? Tu poses la question de réponse, ça finit là. Il n'y a pas de livre. Le libraire, il vit. Puis à un moment donné, par imprégnation, tout le système social change au complet. Pourquoi? Parce qu'il y a des individus qui appliquent de l'intelligence au lieu de parler de l'intelligence. Et ça change tout. Mais il n'y en a pas besoin de ça. Ce que tu dis, c'est que si, par exemple, les antennes s'en iraient, qu'est-ce que tu ferais tout seul? J'espère qu'il va y en avoir quelqu'un pour les remplacer, pour qu'on puisse continuer à têter. Non, ce que je me dis, c'est les poils sont longues. Non, ce que je me dis, plutôt, c'est que là, je vais me ramasser, c'est effectivement, tout seul, mais tant qu'à ça, je veux pas être tout seul. Je sais, j'ai compris. Thank you. Peux-tu... Bon. Ok, le problème que tu as, toi, c'est que t'es un agiteur de pensée. Nécessairement, ça me permet de tout connaître. Bon, on va y aller. Si on me pose des questions, sont écrites. Peux-tu expliquer cosmiquement la forme de l'aide sociale? Quel est le karma d'une personne qui en abuse? Bon, j'arrête ici, je connais la question, on a pris beaucoup de temps. L'aide sociale, c'est fortement génial, ça permet d'ôter les cadavres qui dorment sur le trottoir et les mettre dans des vieilles maisons sales. Premièrement, d'où l'instauration de l'aide sociale. Deuxième utilité de l'aide sociale, ça permet à des électeurs de voter pour toi quand tu décides de l'instaurer. Très utilisable. Troisième phénomène de l'aide sociale, ça permet à un paquet d'ego qui pourrait être auto-sampifré de toujours être compensé socialement par une partie plus basse, l'aide sociale. Quatrième facteur, où là, il est intelligent. Ça permet à des individus qui sont extrêmement solides dans la société, mais qui, par des conditions manipulatrices de vie, se ramassent à être obligés de vivre de l'aide sociale. Ces individus-là ne reçoivent pas de l'aide sociale, ils reçoivent un salaire. C'est pas compris comme ça, on parle encore d'aide sociale. Mais prends l'exemple d'un père ou d'une mère qui s'amasse avec deux ou trois enfants, qui n'a pas le temps de travailler, bien, c'est un salaire qui, là, il travaille en maudit, puis il est sous-payé. C'est pas de l'aide sociale. L'aide sociale, c'est pour les animaux qui traînent dans la société. Mais tous ceux qui sont sur l'aide sociale ne ramassent pas du karma négatif. Ceux qui sont sur l'aide sociale et qui font tout pour rester sur l'aide sociale, ou enfin bref, on pourra en parler longtemps, parce que c'est la scission entre ceux qui le méritent et ceux qui l'ont, est faible. Ça veut dire que c'est quand tu sais que tu es sur l'aide sociale, puis que tu pourrais faire autre chose, et que t'as... Lorsque tu connais les lois du karma, est-ce que ça te tape plus fort? Bien, ça permet de manipuler l'ego, qui transforme une partie de l'ego, qui fait que les manipulés les travailler. Ça change rien. Mais ça change rien. Celui qui est sur l'aide sociale est sur l'aide sociale. C'est pas celui qui est dessus qu'il faut qu'il change. C'est ceux qui donnent de l'aide sociale qu'il faudrait qu'ils changent leur philosophie. Et les cités, ceux-ci sont toutes malades, la majorité. Mais quand on veut les augmenter un tout petit peu passé, ils sont tous en forme, ils sont tous dans des pancartes, même l'hiver. Bon, là, je ne parle pas de ceux qui en ont besoin. Alors, faut faire, puis de toute façon, présentement, qu'est-ce que tu veux faire de plus? On est tellement habitué à mettre des mémoires tampons qu'il n'y a tellement plus de place sur le marché du travail, ni à l'université, ni nulle part, que l'aide sociale devient un grand phénomène tampon. Alors là-dessus, je vous laisse. Il y a un PMC Plus prochainement sur l'aristocratie. C'est un séminaire qu'on va faire en PMC Plus. Et après ce PMC Plus, il y a ce que j'ai déjà parlé, une suite de rencontres qu'on va faire régulièrement, extrêmement peu dispendieuse financièrement, de façon à ce que tous ceux qui ont l'énergie de cesser d'être libraires pour commencer à appliquer puissent graduellement aller chercher la finance qui leur est nécessaire pour continuer à avancer. C'est un PMC Plus qui va être sans doute transformant pour beaucoup d'individus. Alors, je vous le dis quand même, pourquoi? Parce que ce n'est pas que je veux vous le vendre, c'est que par la suite, lorsqu'on commence à travailler, il y a des individus qui se pointent, et puis là, on se dit, oui, mais c'est parce que là, il lui manque ça, et puis on est toujours un peu mal à l'aise de dire à une personne, ben, t'es parfaite, mais tiens-toi autour un peu jusqu'à temps que tu comprennes ce qui se passe. Fait que je préfère en parler quand même au niveau du PMC Plus-là. On va homogénéiser énormément de choses que la majorité, vous ne savez pas, que le groupe des chefs sait, que d'autres savent, que certaines personnes qui travaillent au niveau du groupe financier savent. Et on va amener énormément d'autres phénomènes, c'est-à-dire qu'on va prendre un paquet de vecteurs pour les orienter dans un sens. Là où ça peut être rentable énergétiquement, en temps et en argent, comme un aristocrate doit fonctionner. Alors, je vous mets au courant, c'est préférable que vous le soyez avant plutôt qu'après. Ceux qui ne peuvent pas, c'est comme ça. C'est sans doute qu'il n'y a pas de problème.